Bonjour madame. Bonjour. Vous avez assisté à la conférence ? Oui. Alors, comment vous l'avez trouvé ? Instructif. C'est très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. La salle était pleine, que pour un sujet aussi important que la guerre secrète contre les peuples, il y ait autant de personnes qui sont intéressées. On attendait son livre avec impatience. Vous êtes sûr que vous voulez pas aller à la plage, au cinéma? Non? Bon. Donc c'est John Edgar Hoover, qui était l'ex-patron du FBI, qui disait « L'individu est handicapé de se retrouver face à une conspiration tellement monstrueuse qu'il ne peut pas croire qu'elle existe. » En fait, si j'ai mis aussi longtemps, et je me suis arrêtée deux fois, Jean-Marie peut le dire, parce que des fois je l'appelais désespérée parce que je trouvais... C'est qu'en fait, plus on avance dans ce genre d'enquête, plus on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration s'est faite pour créer la désunion. Et en fait, rien n'est fait pour que l'humanité aille mieux. Et tout converge vers une espèce de contrôle des populations par une poignée de gens extrêmement puissants. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai beaucoup enquêté sur les vaccins, sur la nourriture, etc. pendant des années. Mais en fait, c'est un plan qui est beaucoup plus vaste que ça. Alors le but, il est décrit et montré dans les Georgia Guidestones. Enfin, il y a beaucoup de puissants qui disent des mots qui sont très bizarres. Mais il y a aussi les Georgia Guidestones avec 10 commandements qui sont dignes d'un régime dictatorial, avec la limitation de l'humanité à 500 millions d'habitants, l'unification du genre humain, un tribunal mondial, et il y a plein de techniques pour y arriver, évidemment. Effectivement, ce qui est dur, c'est de faire un lien entre tout ça et de voir à quel point on est cerné. Donc la première de ces techniques dont de plus en plus de gens sont conscients, et si vous êtes là, je sais que vous l'êtes, c'est les chemtrails ou les traînées chimiques qu'on voit dans le ciel. C'est-à-dire qu'on nous dit que ce sont des avions de ligne, les traînées qu'on voit, mais... qu'il ne se passe rien d'anormal, que tout va bien, etc., que c'est de la vapeur d'eau et des traînées de condensation. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, avant, les avions, et même maintenant, les avions normaux, ont une traînée qui suit l'avion et qui se défait au fur et à mesure que le nez de l'avion avance. Quand il s'agit d'épandage et de traînées chimiques, la traînée ne s'en va pas au fur et à mesure que l'avion avance, elle se répand, et elle s'étale et elle va retrouver les traînées des avions qui passent à côté. Parce qu'en fait, c'est un véritable quadrillage du ciel quand on regarde dans un ciel bleu. Souvent, quand le ciel est bleu, on voit effectivement les avions arriver à un bout de l'horizon et commencer à quadriller complètement le ciel. Et au fur et à mesure que le ciel se quadrille, les traînées se rejoignent, ils forment une espèce de couvercle chimique. Ça n'a rien à voir avec les nuages qu'on connaissait avant, c'est un couvercle. Et ce couvercle obscurcit le ciel. Or, on a beau nous dire qu'il n'y a rien d'anormal, enfin avant, les traînées d'avions normaux n'ont jamais obscurci le ciel. Ensuite, c'est pas des trajectoires d'avions normales, parce que les avions, en général, volent dans des couloirs. Là, non, il y en a un peu partout dans le ciel. Quand on a beaucoup voyagé aussi, on sait que les avions ne font pas demi-tour. Alors là, il y a des avions qui reviennent, donc je ne sais pas, est-ce que maintenant, quand les avions ont oublié quelque chose, on revient à l'aéroport. Et tous ceux qui prennent beaucoup l'avion aussi savent que, par exemple, les avions pour Los Angeles décollent le matin, que la Lufthansa, c'est à 9h, le British Airways, c'est à 10h, Air France, c'est à 11h. Enfin, je veux dire, tous les avions décollent tous les jours à la même heure, sur les mêmes destinations. Tout au plus, il y a des horaires d'été et d'hiver ou des horaires qui changent, mais ou dans la semaine, entre la semaine et le week-end. Mais c'est tout. Si on sait aussi que les contrails c'est-à-dire les vraies traînées d'avion, ne peuvent se former qu'à une température en dessous de 40 degrés, qu'il faut 70% d'humidité et que depuis 2004, les avions de ligne doivent voler impérativement, obligatoirement, au-dessus de 8000 mètres. On se demande quels sont ces avions que l'on voit régulièrement dans le ciel et qui laissent des traînées blanches bizarres, quoi. Donc, en fait, moi, je pense que ce qu'on voit existe et que ce qu'on voit n'est pas normal. Et effectivement, je me suis rappelé que dans les années 90, j'habitais en Californie et j'allais souvent dans les territoires indiens, chez les Navajos, et leur territoire, c'est derrière Las Vegas, derrière le Grand Canyon. Et je me souviens que souvent, les Indiens disaient they spray us like cockroaches. Ils nous aspergent comme des cafards. Et je pensais qu'ils avaient un peu trop tiré sur le calumet et je voyais pas trop de quoi ils voulaient parler, quoi. Donc je me suis pas vraiment intéressée au problème. Mais en même temps, par exemple, en 92-94, il y avait un professeur qui s'appelait Leonard Cole, qui représentait une petite ville de Californie qui s'appelle Oakville et qui est allé parler devant le Sénat pour dire qu'il y avait des gens qui étaient tombés malades et des animaux qui étaient décédés. Et il a dit devant le Sénat que c'était le département de la Défense qui procédait à des épandages et des expérimentations d'armes biologiques et de modifications du temps. Et à cette époque-là, il a affirmé avoir analysé les résidus de chemtrail et avoir trouvé des cellules sanguines d'origine humaine. Donc tout le monde l'a un peu pris pour un fou. On verra après qu'il n'était pas du tout fou. Il y avait plein de trucs comme ça. Au Canada, en 99, il y a une petite ville qui s'appelle Espagnola, dans l'Ontario, où les résidents rapportaient des passages d'avion où après, ils avaient mal à la tête, une fatigue énorme, des pertes de mémoire, etc. À Vegas aussi, il y avait beaucoup de gens qui témoignaient qu'il y avait des avions qui venaient, qui épandaient sur les zones habitées et qui après... continuer leur trajectoire avec une traînée normale. Quand on connaît Vegas, la plaine, elle fait 500 km. Donc, ils voyaient vraiment là où les avions commençaient à épandre et où ils s'arrêtaient. À cette époque-là, il y a un savant qui s'appelle Kenneth Sasson, qui est un des scientifiques les plus connus dans les problèmes atmosphériques et qui a dit « c'est un non-sens conspirationniste ». Et il a ajouté, ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds au-dessus de nous. Et ce sont des particules tellement fines qu'elles ne peuvent pas affecter les gens en bas. Donc quand on a un caractère un peu bizarre comme le mien, on se dit que si ces choses sont entre 30 et 40 000 pieds, c'est qu'elles existent. Sinon, ils ne diraient pas ça. En 2000 aussi, il y a eu Columbus. Il y a eu dans un journal local qui s'appelle Columbus Live, il y a un journaliste qui s'appelle Bob Fritakis qui a fait un article qui s'appelle « Les efforts top secrets du gouvernement pour contrôler Mère Nature ». Il y fait état de pulvérisations nombreuses et de brevets dont l'un qui prétendait être une modification du climat, c'est-à-dire des épandages de polymères. Et le polymère, avec le vent, ça agite le mélange et le polymère se charge de l'humidité, ce qui fait que ça empêche les nuages, ça enlève la capacité des nuages à pleuvoir. Donc en fait, on peut se demander qu'est-ce qu'ils épandent, et quand on fait la somme de tous ces témoignages, on se rend compte qu'ils épandent des substances cancérigènes, des bactéries, de l'oxyde d'aluminium, du stéarate de barium et du strontium, et aussi le dribromure d'éthylène. En fait, c'est un pesticide très violent qui avait été interdit pendant des années et que, comme par hasard, on a retrouvé qu'ils ont remis dans les carburants d'avion et donc on retrouve maintenant dans les résidus des chemtrails. Fritakis fait aussi état d'un scientifique qui travaillait à la base de l'US Air Force à Wright-Patterson et qui lui avait assuré secrètement qu'en fait, il y avait deux programmes secrets en cours. Un qui était un programme d'épandage pour modifier le climat et un deuxième qui était en rapport avec un organisme de l'armée qui s'appelle ARP et pour lequel ils épandaient du barium. Le barium est un conducteur d'ondes et aussi permet les images 3D, les images radar en 3D. À la même époque, on a eu pendant toutes ces années des témoignages de 14 pays qui faisaient partie de l'OTAN. Quand on regarde, comme je viens de le faire là, pendant des années, il y a plein de pays qui ont dit qu'ils avaient effectivement eu des épandages pendant tout ce temps-là. Évidemment, les gouvernements nient tout en bloc. Ils reconnaissent que ça existe, mais ils disent que ça n'a jamais été mis en application, que c'est juste un plan B au cas où la Terre se réchaufferait trop, etc. Pourtant, quand on regarde dans le rapport de l'IPCC, alors l'IPCC, c'est l'Intergovernmental Panel on Climate Change, qui correspond en France au GIEC, Groupement Intergouvernemental des Études Climatiques. On se rend compte dans le chapitre 4-7 du tome 3 que la géo-ingénierie est utilisée pour caractériser des manipulations délibérées de l'environnement de la Terre. Le concept inclut aussi la possibilité de piloter le système du climat de la Terre par une manipulation à grande échelle de la balance énergétique globale. Donc en fait, tout y est, mais ça n'existe pas. C'est des gros menteurs, parce qu'en 2004, à la demande pressante de certains journalistes de l'AFP, il y a des documents, beaucoup de documents de l'armée américaine qui ont été déclassifiés et qui portaient tous les détails des opérations qui avaient eu lieu. Et on se rend compte que tous les gens dont je parlais tout à l'heure ne rêvaient pas du tout. C'est-à-dire que pendant qu'ils traitaient tous ces gens-là de fous conspirationnistes, il y a la preuve qu'ils ont épandu sur Vegas, sur San Francisco, sur Corpus Christi, sur le Maryland, sur le sud de l'Angleterre. En 50, par exemple, sur San Francisco, ils ont épandu pour voir à quel point une ville peut être affectée par une attaque biologique et si c'est possible d'attaquer une ville portuaire à partir d'un bateau. On a eu un reportage il n'y a pas très longtemps sur la 2 qui parlait de Pont-Saint-Esprit et des épandages de LSD en France. Il y a eu aussi l'armée britannique qui a fait l'opération Cumulus, qui était soi-disant une répétition pour les changements météo en temps de guerre, et qui a provoqué l'inondation d'une ville qui s'appelle Lynmouth, où il y a eu 34 morts. En 1953, il y a eu le Senjo programme, qui était toute une batterie de tests sur le Winnipeg, sur Saint-Louis, sur Minneapolis, sur l'Ohio, au Texas. Ils ont épandu des tonnes de sulfure de cadmium de zinc pour déterminer, ça c'est dingue, le pourcentage des populations à qui on peut chimiquement infliger le cancer. C'est marqué dans le document. En 1955, il y a eu la CIA au-dessus de Tampa Bay en Floride, avec des bactéries qui étaient issues des laboratoires militaires, pour tester la capacité d'infecter les gens avec des bactéries. Cuba a déposé plainte en 97 contre les États-Unis pour épandage en demandant des millions de dollars de dommages et intérêts. En Angleterre, le Guardian aussi a révélé en 2002 un énorme rapport du gouvernement qui confirmait que des essais avaient eu lieu depuis 1940 jusqu'en 1979 pour évaluer la vulnérabilité du pays en cas d'attaque des Russes. C'est-à-dire qu'au cas où les Russes attaqueraient, ils préféraient déjà balancer des trucs sur leur population pour voir ce que ça allait faire. Et donc il y a eu des centaines de tests comme ça pendant la guerre froide sur les militaires et sur les civils à leur insu, bien sûr. Jusqu'à entre 61 et 68, il y a eu aussi une opération qui s'appelait Large Area Coverage, LAC, où il y a plus d'un million de personnes qui ont été infectées sur les côtes du sud de l'Angleterre par les bactéries E. coli et Bacillus globigi. Et aussi l'usage d'anthrax et de bactéries bizarres et de germes mortels sur les Caraïbes et sur une île écossaise. Donc en fait, tout ça a existé, il y a les preuves que ça a existé, les documents existent. Donc il faudrait croire maintenant que c'est pas vrai, maintenant ils épandent plus, ça n'existe pas. Quand ce qu'on voit dans le ciel en fait, et les substances que l'on retrouve dans la Terre, et dans les analyses de sang, parce qu'il y a Axepica, etc., qui ont fait des analyses de résidus, et des gens qui ont fait analyser leur sang, dans lequel on retrouve effectivement du barium, du strontium. Et en fait, c'est exactement ce qui est décrit dans les brevets, j'en parlerai tout à l'heure, et c'est exactement ce qu'on trouve dans les résidus de chemtrails dans la Terre. Donc c'est un peu difficile de croire que c'est pas vrai. Et aussi, si on regarde les archives des brevets américains, on se rend compte qu'il y a des centaines de brevets depuis 30 ans qui affinent complètement la technique pour faire les épandages, jusqu'au brevet Wellbach, qui est le plus connu et celui qui sert en ce moment, qui permet d'ensemencer l'atmosphère, la stratosphère, avec des particules d'oxyde d'aluminium, qui en fait empêche les rayons entrants, il pulvérise des particules d'aluminium en disant que les particules les rayons du soleil en frappant ces particules retournent dans l'atmosphère et que ça empêche le réchauffement. Il y a aussi les traités qui sont très très instructifs quand on regarde les traités qu'il y a eu entre à ce moment-là. Parce que justement, comme j'ai vécu aux États-Unis, je me demandais souvent, quand j'écrivais le bouquin, pourquoi il n'y avait pas eu de plainte. Parce que quand on vit aux États-Unis, on sait qu'il y a des avocats derrière tous les arbres du boulevard et derrière tous les bancs publics. C'est tous ceux qui sortent de l'école et qui veulent se faire des clients qui sont là pour vous demander si tout va bien, si vous voulez pas attaquer le studio, le restaurant, etc. Et je me disais, comment ça se fait qu'ils aient jamais fait des class action pour attaquer... puisqu'ils avaient la preuve qu'ils avaient été pulvérisés. Et en fait, je suis tombée sur un traité qui s'appelle le traité ANMOD, qui est une convention sur l'interdiction d'utiliser les techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou hostiles. Alors, c'est effectivement interdit que les forces militaires épandent des armes chimiques sur l'ennemi. Mais quand on lit le traité en entier... on se rend compte qu'à un moment donné, il y a marqué que c'est autorisé dans un but pacifique et à but de test pour protéger sa propre population. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de pulvériser l'ennemi, mais on peut pulvériser ses citoyens. J'avoue que ça m'a laissé... c'est tellement incroyable de voir comment ils manigancent pour pouvoir nous manipuler. Il y a un autre traité en 2001 aussi qui s'appelle le 2001 Space Preservation Act qui mentionnait les chemtrails parmi les armes exotiques. Mais il y avait aussi les ultra-basses fréquences, les armes tectoniques et même les armes extraterrestres. Comme par hasard, le 2001 Space Preservation Act n'a pas été ratifié par le Congrès. Il a été immédiatement mis de côté, supprimé. Et on a vu sortir le 2002 Space Preservation Act qui disait la même chose, sauf que la liste des armes avait disparu. Exit l'existence officielle des chemtrails, ça n'existe plus. Ce qui prouve déjà la volonté de dissimuler ce qui se passe et aussi la véracité de leur existence, parce que sinon, ils n'essaieraient pas de le cacher. Et la perle dans l'histoire, c'est un traité que j'ai retrouvé par une université canadienne. Un traité de 75 entre les États-Unis et le Canada qui dit exactement, je cite, « conscient en raison de leur proximité géographique que les effets des activités visant à modifier le temps exercé par l'une ou l'autre partie peuvent avoir des répercussions sur le territoire de l'autre partie ». En clair, ils font un traité pour se dire qu'ils devraient se tenir au courant puisqu'ils épandent des deux côtés de la frontière. J'ai du mal à croire que deux pays de la taille des États-Unis et du Canada fassent des traités pour des trucs qui n'existent pas. Depuis, il y a plein de responsables qui ont parlé. Il y a des techniciens, des mécaniciens, des policiers, dont un qui les avait surnommés Deep Sky, qui a beaucoup parlé à William Thomas, le journaliste dont je parlais tout à l'heure, qui a donné beaucoup de preuves sur l'aménagement des avions, sur les substances qui étaient épandues, comment ça se faisait à l'intérieur des avions sans que les gens, les pilotes, soient forcément au courant. Les vols qui épandaient, jusqu'à ce qu'on le retrouve asphyxié dans sa voiture. Il y a un autre monsieur qui s'appelle Ted Gunderson, qui était le patron du FBI à Los Angeles, Ce monsieur n'était pas n'importe qui, parce que c'est à lui qu'avait été confiée l'enquête sur la mort de Kennedy, sur la mort de Marilyn Monroe. Et il passait sa retraite en plus à débusquer tous les réseaux pédophiles, etc. Et il parlait vraiment, quoi. Il balançait vraiment. Et lui avait dit les épandages, c'est un génocide, un empoisonnement par les Nations Unies. Il disait d'où venaient les avions, où ils étaient stationnés, quelle était leur marque, à qui ils appartenaient. Il a tout balancé. Évidemment, d'après son ami et médecin qui était là quand il est mort, le violet qu'il avait sous ses ongles, sur la tête et sur les pieds, juste après sa mort, d'après lui, prouvait un empoisonnement à l'arsenic. Il y a aussi une ex-militaire qui s'appelait Kristen Meghan, qui raconte comment elle est rentrée dans l'armée américaine. Et son rôle dans l'armée américaine, c'était son job, c'était de regarder l'impact des techniques dont se servait l'armée américaine sur l'environnement. Et en fait, les gens, effectivement, dans la rue, ou ses amis lui disaient « Mais qu'est-ce que tu penses des chemtrails ?» Elle n'était pas du tout au courant. Donc elle a évidemment regardé les documents qui étaient à sa disposition. Elle s'est aperçue qu'il y avait des tonnes et des tonnes de barium, d'aluminium et de strontium achetés par l'armée américaine. Et elle a donc posé des questions à sa hiérarchie, qui lui a fortement recommandé de se taire et qui l'a muté dans un autre service, où elle a recommencé la même chose, jusqu'à ce qu'elle ait des pressions, des menaces sur sa fille, etc. Elle a fini par démissionner. Et maintenant, elle aussi dénonce et dit ce qui se passe. Donc on se demande, en fait, la question, c'est qui fait ces épandages? Qui a un pouvoir au-dessus des nations et qui a accès à notre espace aérien dans tous les pays du monde? Qui a assez de pouvoir pour avoir accès à notre espace aérien? Est-ce qu'il s'agit d'expérimentations dont nous sommes les cobayes ou des programmes économiques et militaires dont nous sommes les victimes collatérales? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des expériences in vivo, comme dans les camps de concentration dont il faut, paraît-il, se souvenir pour ne plus recommencer. Sans notre consentement, ce qui est contraire à l'article 3 de la Constitution, qui dit que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne, c'est contraire au traité de Nuremberg. Mais bon, ça se fait. Enfin, je veux dire, ils continuent à nous dire qu'ils ne le font pas, mais enfin, il suffit de regarder pour voir ce qui se passe. Maintenant, ils commencent à dire quand même que les épandages... Il nie un peu moins. Il commence à dire que les épandages seraient faits pour lutter contre le réchauffement, parce que la grande préoccupation de nos dirigeants, c'est la lutte contre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. On va avoir la grand-messe, la COP21, en fin d'année. Évidemment, c'est le réchauffement climatique d'origine anthropique. L'ennemi, c'est le CO2. Et les humains qui ont le culot de respirer dans leur petite voiture diesel, et surtout les vaches qui pètent, à tout bout de champ. Le chantre de cette histoire, c'est Al Gore, qui mène une croisade et qui promène sa carbophobie depuis qu'il a quitté le gouvernement dans tous les médias du monde entier, à 175 000 euros la conférence. Ça fait rêver. Et pour demander qu'il y ait moins d'énergie fossile, retenez bien, parce qu'on va voir après. J'étais partie pour regarder un peu ce que faisait Al Gore, mais en fait, c'est un exemple à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il demande moins d'énergie fossile, plus d'énergie renouvelable. Il dit que c'est un impératif moral. Il a même reçu le prix Nobel en 2007 avec le GIEC pour son action. Et un des plus grands climatologues mondiaux, Richard Lanson, estime que les prévisions de l'IPCC présentent une marge d'erreur de 400%. Ça en fait comme si on disait que Paris a entre 5 millions et 2 milliards d'habitants. Mais à part ça, le réchauffement climatique, c'est vrai. Il y a aussi 32 000 scientifiques des plus prestigieux qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette thèse du réchauffement climatique, mais ça, personne ne nous en parle. Il faut savoir, puisqu'on va entendre parler pendant le COP21 sans arrêt de ce sujet, que tous les soi-disant tous les c'est comme dans la santé, hein, tous les tous les scientifiques qui font partie du GIEC, il y en a 2000 au monde. Déjà, sur les 2000, il y a 20 climatologues. Les autres ne sont pas plus spécialistes que vous et moi. Et ensuite, il faut savoir qu'ils sont payés, enfin, ils sont sous les ordres de l'ONU et nommés par les politiques. Donc, évidemment, ça enlève un peu de leur crédibilité parce que. Voilà. Pour en revenir à Al Gore, en fait, pour voir où est l'escroquerie quand même, c'est que Al Gore, qui dit que en fait, c'est un impératif moral d'arrêter la pollution avec le CO2, en fait, il a monté la première bourse au carbone. C'est-à-dire que plus on a des sous, plus on peut polluer. C'est-à-dire que quand une, par exemple, il part du principe que chaque société, on va lui donner un crédit de 2 tonnes de carbone ou 20 tonnes de carbone. S'il pollue plus, il faut qu'il achète des bons carbone. S'il pollue moins, il peut vendre ses bons carbone. Et évidemment, c'est intéressant pour Al Gore et les gens qui sont dans ce business que le gouvernement plafonne l'autorisation de carbone. Parce que plus, d'ailleurs, il appelle son plan cap and trade, plafonner et dealer. Forcément, parce que plus c'est plafonné, plus le carbone est rare, et plus c'est rare, plus le prix va monter en bourse. Mais c'est pas du tout un empêchement, ça va pas du tout empêcher les sociétés de polluer, parce que plus elles auront du pognon, plus elles pourront acheter de bon carbone. Et d'ailleurs, Al Gore, qui a quitté la présidence avec soi-disant un actif de 2 millions d'euros, il vient de mettre 35 millions dans ce fonds d'investissement qu'il a monté avec Jeffrey Scholl, qui est l'ancien patron d'eBay. Il est aussi actionnaire de plusieurs puits de pétrole, de mines de charbon. Et c'est surtout marrant parce que sa maison fait 3000 mètres carrés et il dépense en un mois la facture d'électricité que dépense une famille américaine bien, bien cossue dans l'année. Donc c'est plutôt, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, quoi. Donc le danger du CO2 pour moi, mais je vous invite à regarder les documents, c'est une arnaque totale. Pour nous faire gober les OGM à l'époque, ils nous ont dit que la Terre n'était pas capable de nourrir 7 milliards d'habitants, donc il fallait absolument les OGM. Vous remarquerez que depuis quelque temps, on ne parle plus du tout de ça. On nous dit qu'on est trop nombreux sur Terre parce qu'on est trop nombreux à respirer et à polluer. Donc effectivement, le gouvernement va prendre des mesures drastiques. On n'aura plus le droit de... Enfin, il faudrait bazarder nos petites voitures diesel. Puis peut-être qu'aussi, ils vont faire partager les troupeaux de vaches en deux. C'est-à-dire, il y a la moitié aura le droit de péter les jours pairs et l'autre moitié les jours impairs. Enfin, et puis surtout, notre président a décidé de faire le maximum pour qu'on arrive à un accord. Je veux pas l'embêter. Je veux pas spécialement du mal. Mais ça m'étonnerait parce que ceux qui sont derrière, ceux qui sponsorisent tout ça, sont ceux qui en fait veulent pas que ça s'arrête. Alors je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous montrer à quel point on se fout de nous. Ce sont des chiffres de 2006. Alors l'US Air Force a consommé 2 milliards 600 millions de gallons, c'est-à-dire multiplié par 4, de fuel. Un seul F-5 brûle environ 1580 gallons en une heure. Un hélico Apache fait un demi-miles avec 4 litres, un gallon. Les chars Abrams en Irak ont besoin de 5 gallons, soit 20 litres au kilomètre. Un seul transporteur non nucléaire à la vapeur brûle 5600 gallons de combustible en une heure. Tous les 4 jours, chaque transporteur en mer utilise un autre demi-million de gallons de carburant pour alimenter ses jets. Pendant qu'ils volent pour une mission chemtrail de 2 à 5 heures, un seul ravitailleur KC-10 brûle 2050 gallons de carburant toxique, évidemment. Le KC-135 Stratotanker, qui est plus gros et plus vieux, transporte 31 275 gallons de produits chimiques d'épandage et il brûle 2650 gallons de carburant à l'heure. L'EPA, qui est l'Agence américaine de protection de l'environnement, nous indique que chaque gallon d'essence produit 19,4 kilos de CO2 et chaque gallon diesel de 22,2 kilos. Si on fait le calcul, on s'aperçoit que les opérations de routine de l'armée américaine envoient plus de 48 milliards de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère chaque année. Ça, on ne nous en parle pas, évidemment. Il faut ajouter à ça la consommation et les déchets de harpe dont je parlerai tout à l'heure. Mais c'est nous qui sommes des vilains pollueurs-payeurs. Donc, si le CO2 est un problème, on peut se demander aussi pourquoi couper les arbres pour faire des OGM et des nécrocarburants, puisque les arbres, eux, ils aiment le CO2. Donc, en fait, la nature était plutôt bien faite. C'est la même fumisterie avec le fait d'épandre, soi-disant, pour bloquer le soleil, parce que dans ce cas, la photosynthèse ne se fait pas, donc ça aide pas pour enlever le carbone et les gaz à effet de serre qui, justement, augmentent. Et aussi, surtout, le carbone ne représente que 0,05% des composants de l'atmosphère. Et en fait, quand on approfondit le truc, on se rend compte que c'est la vapeur d'eau qui est surtout qui est la principale responsable du réchauffement. Parce qu'en fait, quand ils épandent, les sols se dessèchent, donc l'humidité remonte et se répand dans l'atmosphère. Et c'est ça qui crée les plus gros effets de serre. Donc, évidemment, on se dit que le réchauffement, ça ne doit pas être la vraie raison des épandages, parce qu'ils ont quand même des savants qui sont peut-être tarés et fous, mais bon, ils savent quand même le béaba, et ils savent très bien que quand ils épandent, le réchauffement s'accentue. C'est d'ailleurs marqué dans les brevets Welbach, etc., que plus on épand, plus le réchauffement grandit. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est l'éminence grise de tous les présidents américains depuis Carter. Il est toujours conseiller d'Obama. Et lui a écrit en 1970, dans un livre qui s'appelle « Between Two Ages », « L'espace et le contrôle du climat ont remplacé Suez ou Gibraltar comme élément clé de la stratégie ». Et quand il parle dans son bouquin de la modification climatique, c'est précisément et uniquement comme l'arme absolue qui sera à la disposition de l'Amérique. Et d'ailleurs, il cite les travaux de Gordon MacDonald dont il s'inspire, et il dit « Avant 2018, la technologie mettra à la disposition des nations majeures des techniques pour conduire des guerres secrètes dont seulement un minimum des forces de sécurité aura besoin d'être au courant. » Une nation peut attaquer une nation concurrente secrètement par des moyens bactériologiques, affaiblissant entièrement la population avant d'en prendre le contrôle avec ses forces armées. Ou bien, des techniques de modification du climat pourraient être employées pour produire des périodes prolongées de sécheresse ou d'inondation, affaiblissant ainsi les capacités d'une nation et la forçant à accepter les demandes de sa rivale. C'est clair, non ? Alors, pour ceux qui connaissent pas Zbigniew, c'est pas un mec qui fait de la science-fiction. C'est lui qui avait écrit un livre qui s'appelle Le Grand Échiquier. Between Two Ages, ça n'existe pas en français, mais Le Grand Échiquier a été traduit. Dans Le Grand Échiquier, il disait il y a 30 ans qu'en fait, d'ici 20 à 25 ans, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, le monde, la société serait une société du 20-80. C'est-à-dire que 20% de la population suffirait à faire marcher le système et les 80 autres pourcents serviraient à rien. Ils n'auraient pas d'emploi, donc pas d'argent, donc pas possible de leur vendre quoi que ce soit, ni des loisirs, ni rien. Donc il fallait leur appliquer une théorie qui était qu'il appelait le tititainment. Pour tits en anglais qui est la poitrine et entertainment, c'est-à-dire bercer les gens comme on berce un enfant, c'est-à-dire les endormir en gros. Et il disait avec la nourriture physique et mentale. On voit bien ce qu'ils ont fait avec la nourriture et tout ce qu'ils mettent dans la nourriture qui rendent les gens apathiques. Et puis les programmes télé, on ne peut pas dire que ce soit fait pour nous éveiller pour les trois quarts. Donc. En fait, quand Zbigniew dit quelque chose, en général, c'est bien en train de se passer, quoi. Donc la géo-ingénierie est bien une réalité. D'ailleurs, il suffit de regarder le ciel. Moi, je suis toujours étonnée quand les gens me disent qu'ils ne voient rien d'anormal. Je veux dire, depuis quand on n'a pas vu de vrais orages, c'est-à-dire avec le tonnerre, les éclairs. Moi, quand j'étais gamine, on comptait entre l'éclair et le tonnerre pour savoir si l'orage se rapprochait ou s'éloignait, etc. Maintenant, en tout cas dans la région parisienne, on entend de temps en temps des coups de tonnerre ou on voit de temps en temps des éclairs, jamais les deux en même temps. Et en fait, moi, ça fait bien 4-5 ans que j'ai pas vu d'orage. Par contre, j'étais à Perpignan la semaine dernière, j'ai vu un truc que j'avais jamais vu non plus de ma vie, c'est des éclairs horizontaux. C'est-à-dire, on a vu ce que ça a donné sur l'Odève et tout, mais moi, j'ai vu l'orage au loin, dans les montagnes, et en fait, c'était que des éclairs comme ça. Ça n'a jamais été le principe des éclairs à l'époque. Et puis même, on voit bien que ce qui se passe est anormal. Là, on vient de voir un ouragan sur la France, 100 mètres de large sur 35 km de long, ça a tout emporté. Rien à côté, c'est d'une précision absolument. Et depuis quand la France est-elle un pays de tornades, quoi? Jusque-là, on en voyait dans le sud des États-Unis, pas chez nous, mais bon.